Et bonjour, bienvenue dans le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et dans cette émission, ben, on passe des CD qu'on a reçus à la station depuis les 7 derniers jours et puis on les écoute comme ça. On sait pas trop ce qui s'en vient. Du côté francophone, il va y avoir la formation Métatuc. On va aussi entendre Martin Léon. Il va y avoir Zurung. Il va y avoir Bernard Adamus. Et finalement, il va y avoir aussi Dynamo Coléoptera. Bon, on va commencer ça avec le nombre. Ils sont des habitués des palmarès. Ils sont quand même passés par notre station plusieurs fois. Leur nouveau CD s'appelle Ville et Fantastique. Tout de suite, voici la pièce qui ouvre l'album. Ça s'appelle Taquit. C'est dans le poste d'écoute et c'est dans vos oreilles au 89.1 FM. N'existe plus, chérie, n'existe plus. Surtout ce maquillage. Poste d'écoute. Tu oreilles. On a entendu les trois premières pièces de l'album du Nombre qui s'appelle « Ville fantastique ». On a entendu « Taquit », « Le son des haut-parleurs » et « Sur ton île ». On enchaîne avec « Métatu » qui voici l'album « La foire aux primates » et la pièce « Allez, allez ». Thank you. le poste d'écoute. Tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a crié famine chez la fourmi, sa voisine. La brillante lui prêtait quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Foi d'animal, intérêt principal. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantez, j'en suis fantaise. Eh bien, dansez maintenant. La formation québécoise Métatuc avec leur album La Foire au primate. On vient d'entendre les toupies précédées des cigales et de la pièce Allez, allez. Métatuc est au myspace.com/métatucband. Métatuc, M-E-T-A-T-U-K. Sinon, c'est metatuc.com. Et puis, les dates de spectacle, il y en a un. Le lancement à Montréal est le 6 juin. C'est demain, samedi, c'est Victoire Direct. C'est au Quai des Brumes. C'est une soirée bénéfice avec le groupe Caillasse. Ah, voilà. Sinon, ben, je vous rappelle d'aller voir le site de l'émission pour les liens de l'émission d'aujourd'hui pour télécharger la balade de diffusion. Si quelque chose vous échappe, si quelque chose vous intéresse, vous voulez réentendre l'émission, c'est www.unechance.com. On s'en va entendre un simple de Zurung qui est déjà passé parmi nous au palmarès C'est fou avec la pièce 1981. Il avait fait un remix d'une pièce de Acirca ou au contraire Acirca, une pièce de Zurung, peu importe. Celle-là s'appelle Dans le son featuring Véronique Godette. Tout de suite dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.fm où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois. Je fonce et ouvre les portes. J'bosse, manque, bosse tard. Faut que j'prouve mes forces. Dans mes veines coule du beat de toutes les sortes. J'veux que ça vienne du cœur et que ça rock le spot. J'me couche jamais, j'suis le gars qui reste debout. Drop des sons, des beats, des textes de fou. Mes tripes, mon âme, ma tête et j'risque tout. Oui, j'me pousse à bout, j'me teste tout. La musique en fait, c'est ma job de nuit. Le jour j'attends le soir pour que j'fuck ma vie. Sur un bon beat, bat des catins. Écoute mon cœur. Et tout c'est Batman. Le même tempo que le drum qui claque hein. C'est déroutant mais moi j'suis bien là-dedans. J'aime les cornets pis tout ce qui détonne. J'me sens si bien quand victime déconne. Quand y'a mon bon beat c'est qui résonne. La nuit ma pluie tête dans le sang. La vie c'est un vice qui s'enfonce. Le vice ma bite et j'enfonce. Ma bite dans le beat c'est une passion. La nuit ma pluie tête dans le sang. La vie c'est un vice qui s'enfonce. Le vice ma bite et j'enfonce. Ma bite dans le beat c'est une passion. Mes limites illicites, j'les survole. Ma vie virevolte vers les pires folies. Le vide me guide, une vie de sens. J'me sens si fort, si bien que j'danse. Même quand j'suis couché dans ma chambre, ils se forment des idées en m'étant. J'avance, mon bon son peu s'élève. J'veux juste voir mon nom sur tes lèvres. C'est que j'veux même pas être célèbre. Mais j'veux pas que mes bonnes tracks se perdent. J'veux juste un jour dropper un album. J'fais pas d'attitude, j'suis pas bad comme les dogs, j'suis juste moi-même, j'me nomme Sam. Les dogs, mon gars heureux, un homme sage. Comme avant, maintenant, les joies abondent. J'ai pour cadre les bras de ma blonde. La nuit, ma pluie, tête dans le sang. La vie, c'est un vice qui s'enfonce. Le vice, ma bite et j'enfonce. Ma bite dans le beat, c'est une passion. La nuit, ma pluie, tête dans le sang. La vie, c'est un vice qui s'enfonce. Le vice, ma bite et j'enfonce. Ma bite dans le beat, c'est une passion. La nuit, ma pluie, tête dans le sang. La vie, c'est un vice qui s'enfonce. Le vice, ma bite et j'enfonce. Ma bite dans le beat, c'est une passion. La nuit, ma pluie, tête dans le sang. La vie, c'est un vice qui s'enfonce. Le vice, ma bite et j'enfonce. Ma bite dans le beat, c'est une passion. Les limites illicites, j'les survole. Ma vie virevolte vers les pires folies. La ville me guide, une vie de sens. J'me sens si forte, si bien que j'danse. Même quand j'suis couché dans ma chambre, mais se forment des idées en me tendant. Zurung est la pièce dans son futur album, c'est Symphonie Bipolaire, c'est le nom du futur album de Zurung et la pièce dans le son. Son site est au zurung.com, Z-U-H-R-U-N-G.com. C'est très différent de la pièce qu'il y avait dans le palmarès il y a quelques temps de ça, 1981. C'est un petit peu moins accrocheur, un petit peu plus rappé. Là, j'essaye pas de dire que c'est pas assez commercial, mais j'aime bien la pièce. C'est juste moins mon genre à moi. J'aimais beaucoup 1981. C'est juste le même. Et on continue avec Bernard Adamus. En passant, The Room, c'est un single, c'est pour ça qu'on a juste entendu une pièce. C'est pas parce que j'aime pas ça, c'est parce qu'on n'a pas d'autres pièces. Bernard Adamus, son album s'appelle Brun. D'ailleurs, il y a la pièce titre Brun, en parenthèse, la couleur de l'amour qu'on va entendre tantôt, mais pour l'instant, voici Cauchemar de course. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois avec vous au 89.1 FM. C'est fou, ça. Malade. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, ils sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mort, petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai du CNN. J'me dis, hey là, ils vont tu me dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Fait que je m'assois pis j'ai une faim de loup. La waitress ça me fait du doux. Mais je check comme faut pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela. Pis je me dis hey là, se passe quelque chose et c'est on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'eau bénite. Pendant que dit Jésus, toi y'a les veines. Mandela suçait sa graine. Pis je me dis hey là, passe quelque chose et c'est moi je m'en vais de là. Ça prend le blabla, faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le tas. J'aboutis, je toque des brumes, moule bleu, haï, c'est pas de la table. En haut du bar, je vois une pancarte, vide la place avant que tu partes. Le poste d'écoute. C'est bon? Mais tout coule, tout recommence.

demain, moi je sais pas faire grand chose à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. Une saison slush de bouette, de ganou pis de frette. Une chance, j'ai ma bonne femme pour s'élever avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Ça allège rap aujourd'hui, j'ai cœur et chanter comme hier. C'est crétaine de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison va-tu être là demain? J'étais à quatre pattes dans la cuisine en train de shiner le carrelage. Des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage? Péter les dents sur mes vieux rêves d'enfant. C'est qui sacrement qui a écrit vive le vent? Fais-moi le vin à matin, quoi, Berville, Rosemont. Y'a la job qui m'appelle pour ta qu'on est à maison. Ça n'est que soleil brille, ces plages de maté. La bière coule à flot dans les ports de Séville. J'suis comme un enfant fou qui compte ses billes. Et regarde, j'suis comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si j'veux du miel, faut-tu vraiment j'fasse comme l'abeille? Là, c'est soir de chaud, toutes les fêtes des bons. Des 5 piastres à port pour le gars classico. Bernard Adamus avec la question à 100 piastres, précédé de Brun, la couleur de l'amour et d'un cauchemar de course. C'est son album Brun à Bernard Adamus. J'étais sur son MySpace, au myspace.com/badamus. Adorable nom de MySpace d'ailleurs. J'apprenais qu'il vient de Montréal, qui joue surtout avec François Cyr à l'harmonica et la salle de guitare, Benoît Biggie Paradis au trombone et Éric Grosse-Caisse Villeneuve. Il va être en spectacle le 7 juin. Ça, c'est dimanche, si vous écoutez en direct. C'est au Quai des Brumes à Montréal. C'est à, c'est, bon, non, c'est à 17h. Voilà. Mais ils vont passer par Grande-Vallée parce qu'ils vont être au Festival en chanson de Petite-Vallée prochainement. C'est au début du mois de juillet. Allez voir la biographie sur le MySpace si ça vous intéresse. Pendant que nous, on va entendre Martin Léon, son album Moon Grill. Voici Je me demande. Dans le post-écoute, on découvre les nouveautés musicales. Tous ensemble pour la première fois. Peut-être m'attends, je me demande qu'est-ce que tu fais en ce moment. Je me demande où t'es ce soir pendant que sur ce trottoir je marche vers chez une amie. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Ta-da-da, ta-da-da. Et tu es en train de nourrir des goélands. Et tu es en train de sourire à l'océan. Es-tu en train de fuir le regard d'un amant? As-tu une fois déjà aimé vraiment? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Si j'entre parfois dans ta pensée, si on s'est déjà croisé sur cette rue que je descends, ou hier, ailleurs, dans un tourbillon de feuilles soulevé par le vent. Je me demande qui tu es, toi que peut-être j'attends. Je me demande pourquoi toi tu me toucheras tant. Je me demande où tu t'en vas, si je marchais dans tes pas, il y a quelques instants. Le poste d'écoute. Savoir moi te le dire, je pense qu'il était jaloux de toi profondément, qui enviait ben gros ta joie de vivre, tes sourires, comme si ton bonheur le privait du sien, le privait du vôtre finalement. Je pense aussi qu'il t'a aimé, mais que c'était refait sortir. C'était clair dans ses yeux qu'on y avait pas appris comment dire, comme si une femme qui est belle pouvait faire souffrir. C'est encore dur aujourd'hui, imagine-toi dans le temps. On a beau avoir toute la compassion du monde pour le monde, c'est normal. On donne pas sa vie coûte que coûte à gosser sur une huître pour qu'elle ouvre. Point final. C'est de la faute à personne, sauf à pas le droit de parler, puis pas le droit de parler. On sait d'où ça vient, où ça mène, tôt ou tard. Tout se comprend, tout s'excuse anyway. Mais moi j'avais ma gueule à sauver, pas la sienne. Dès que j'ai vu une issue, j'ai sacré le camp, c'est normal. Y'avait trop de bruit sur le chantier, pas de plaisir. J'ai eu envie de triper, de baiser, de choisir, d'être tout seul à chercher pour moi ce qui était bon ou mal. Qu'est-ce qui est bon ou mal vraiment? On a beau avoir toute la compassion du monde pour le monde, c'est normal. On donne pas sa vie coûte que coûte à gosser sur une lutte pour Calou. Point final. Je suis tenté. Si le bleu de tes méthans brûle mes veines, il brise mes chaînes. Je le veux tant aimer, oui je le suis tenté. Et si le feu de tes méthans brûle mes veines, il brise mes chaînes. Je le veux tant aimer. Je le suis tenté. Et si le vœu de tes méthans brûle mes veines, il brise mes chaînes. Je le veux tant aimer, oui je le suis tenté. Et si le vœu de tes méthans brille mes veines, il brise mes chaînes. Martin Léon avec la pièce « Oui, je le veux », c'était précédé de « Le Râteleur ». Râteleur, oui. Et je me demande, dans le poste d'écoute de C'est fou, au 89.fm. Je disais sur myspace.com/MartinLéonSVP que c'est un artiste québécois. Hein? Il va être en spectacle au début du mois d'août, donc c'est assez loin pour qu'on n'en parle pas. Allez voir myspace.com/MartinLéonSVP tout de suite, ou lunechance.com, qui est le site de l'émission. C'est là-dessus qu'il y a tous les liens et la balado-diffusion. On va se continuer ça musicalement, comme toujours, avec CEA et l'album Coin Strasbourg. Tout de suite, voici la pièce qui débute l'album « Mon sang et mes larmes ont souillé Saint-Joseph ». Ah, c'est fou, 89.fm. La radio campus de Trois-Rivières. Hey, check it, check it, check ça, man. Le quartier est en folie, on est tous pareils, les frères, mais reste poli quand tu nous vois arriver dans le secteur. Dans vie, chacun est son propre protecteur, yeah. J'suis arrivé hier soir dans le quartier, passé au bar pour me donner l'espoir. Puis j'ai préparé ce microphone, sorti de la nuit noire où j'y vais comme un fantôme dans mon cœur. Oublié qui je suis, fallu que je revienne sur le coin où j'ai souffert tout petit. Ici, le vice promène, c'est une mascarade. Tu vois les marques sous les vestes, la masque qui rôde. L'oiseau, voici des rêves à l'eau forte qui traînent dans la ville comme le booster de Saint-Roch. Ici, y'a de la tristesse dans les regards, mais quand je m'éloigne de ça, mon âme s'égare. Yo, j'écris des poèmes pour nos malheurs quand le soleil s'éteint, où les ruelles se perdent, où demain c'est loin. Mon sang, mes larmes ne font que traîner sur les trottoirs, mes vies distorsionnées par les transistors. Me penchant pour les excerpts tatoués mes nuits, des traces sur ses poignets, le quartier des freaks. Sur chaque coin rue, la folie nous guette. Mon sang et mes larmes, mon sang et Saint-Joseph. Les gens qui mènent des drôles de vie racontent souvent des drôles d'histoires. Je sais qu'un jour paysage, la tête dans les nuages, j'essaie de voir ton visage. Et hop, dans la cage, vers une autre ville. Avorter la rage, récouper la paye de loup, la bête, on m'appelle animal. Parce que j'accumule la haine de tout ce qui m'a fait mal. Pour vous, sur les bancs, je rugis. Sous vos applaudissements, je revis. Dans chacun de nous se cache une bête qui dort. Est-ce que j'ai tort? Et c'est pour ça qu'on chante. CA avec mes idoles, précédé de Mon Saint, mes larmes, mon soulier, Saint-Joseph. Ah, ouais, oui. Puis c'est ça, c'est l'album Coué Strasbourg, puis on retourne en musique avec Dynamo Coléoptera. Puis ça commence comme ça, c'est dans le poste d'écoute, puis vous aimez ça. Quelque chose d'important et nous sommes venus vous parler. Il est évident que vous êtes complètement encerclé des pieds à la tête par une coquille d'or. C'est un pays irréfutable. Souhaitez-vous sans résistance. C'est pourquoi nous, missionnaires de la vérité, nous vous disons que c'est irréfutable. So, allez, allez, va. Néo, no, kiramek, sans le hachimo, mi, koni, pe, mo, pou, kokirsi. Yami to Shaba no dendou sochi, Dynamo Coléoptera. De me changer d'idée. Ainsi, je m'étais convaincue d'aller me promener. Je voulais avoir un compte pour fréquenter qui, plus loin sur mon chemin, était devenu un sentier ombragé dans la montagne. Je faisais encore jour. Je continuais à marcher. Et je perçais mon chemin. Plus j'avançais, plus le sentier s'enregistrait tiré à l'infini. Oh, exercise your landscape a little bit wider. Your right hand on your cheek, your left hand also, and up and down, and up and down, and outside and inside, and outside and inside, and inside, inside, inside, inside, inside, inside. Hey, look at everybody, each other. We are all same children in this world. Say judea, say judea. Ouais, c'est intéressant comme style, ça. C'était Dynamo Coyoptera avec la pièce Mimaguruchi Utea, le chant trépidant. Et avant ça, c'était l'œuf pivotant dans le poste d'écoute de ces fous. Et puis là, ben, je suis en train de regarder le MySpace, comme je le fais une fois de temps en temps. MySpace.com/Dynamo Coyoptera. C'est assez long, hein, mais passez par unechance.com si le lien vous échappe. Ben, c'est de l'expérimental J-pop rock de Montréal. Et puis, ils vont être en spectacle. Non, c'est passé. C'est écrit en tout petit 16 avril dernier au La Tulipe. Les membres de ce power duo sont Maya Kuroki à la guitare électrique, au chant, au clavier et à la performance théâtrale, et François Giroir qui, sans s'arrêter à la batterie, intègre plusieurs autres instruments. Leur spectacle musical s'apparente plus à la performance multidisciplinaire qu'à un concert traditionnel, disent-ils sur leur MySpace. Et puis, leur album s'appelle aussi Dynamo Coléoptera. On va passer à quelque chose qui risque peut-être de me mettre de bonne humeur un peu. Lovely Feathers, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est un groupe canadien que j'adore depuis pas mal longtemps. Mais j'adore ce qu'ils font, tu sais. Je sais que j'aime ça. Je sais que je vais aimer leur futur album. En tout cas, je l'espère bien. Il s'appelle Fantasy of the Lot. Et on va entendre les pièces qui ouvrent l'album. Commençons par Louisa, tout de suite. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Thanks for watching! on very walks. When we go on long walks, we go on very long walks. Hey, you shot your lover in the barn. Hey, you got stories in your past. Still, I see glory in that horse. You got courage, you got courage now. Fine, and we're insightful as the last. Walks, we go on very long walks. When we go on long walks, we go on very long walks. Hey, when you're guilty to the spine, ooh, when you're coiled intact, oh, through the villages and the parks. You got courage, you got courage now. Fine, and we're safe while you go to my ego, pain, nostalgia, now hurtful clam, and vicar. Mentors in, now I'm trapped, and the tallying my effects of my competence, by God. So please make that shield well before my birthday meal. I won't feel too self-abating now. It was our fight. Others us to bother with their high school heel daughters, feeling shitty, shitty too. You sit in your room rubbing spices on yourself. Are you happy just when it's you and me with my appeal, self-detained while revealed, trust in the world, sometimes with you. And the crash in the stash, and your powder on the dash. Did you think you'd get up with your time? It was our fad. deal with myself in this town. But is it my organ fit with my feelings out of step? I'm not as smart as your open bride. But is it what your dad did? All I can say is it's how you were raised. It's how I understand your eternal reality shapes. Reality shapes. Our reality shapes and it's all bad. Une de mes formations préférées, The Lovely Feathers, avec leur nouvel album Fantasy of the Lot. Of the Lot, oui, ça sort, c'est sorti, c'est bien juste de sortir le 2 juin au Canada. Puis on a entendu les trois premières pièces, Louisa, Long Walk, c'est Fad, MySpace.com, Barbie, The Lovely Feathers. Ils vont être en spectacle ce soir, vendredi à Laval. Oh, j'aimerais ça y aller au studio théâtre de la salle André Mathieu. Ils étaient hier à Montréal, ils vont être demain à Toronto. The Lovely Feathers, l'album est Fantasy of the Lot. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être réentendre assez fou. Je risque d'en faire jouer un peu à quelque part ailleurs qu'ici. On s'en va entendre le prochain CD du Canadien. C'est par Corbin Murdoch and the Nautical Miles. L'album est Wartime Love Song. Voici la chanson titre. C'est dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. birds were meant to fly. Oh, this is evidenced by the blood on the bars of the cages that wandering time. Just as an infant's cry is only silenced by the drifting, the swaying, the cadence of its mother's stride. American children disappear, ah, in the springtime of the 21st year, to wander across oceans looking for what love they haven't yet found. Well, met an old woman from Tangier, spent a lifetime selling souvenirs. She said, I get by on the nickels and the dimes of wandering time. Well, I took a jet plane, then I took a boat, well, then I came back. South America, I taste at the back of my throat when I kiss the honeysuckle lips of a girl that I had missed. Tasted so strange, tasted so strange. American children, this is our chance. We're the third generation to never learn to dance. So let there be dancing on rooftops and choirs, choirs in the streets. And some people believe that when the world was still young, nothing unless it was sung. So let us sing our dreaming to have during wandering time. Birds were meant to fly. Oh, this is evidenced by the corpses reclining on their newspaper lining. Corbin Murdoch and the Nautical Miles avec l'album Wartime Love Song. On vient d'entendre Dessous l'épave, la plage. Avant, il y avait Wandering Time. On a débuté avec Wartime Love Song, la pièce titre de l'album de Corbin Murdoch and the Nautical Miles. Corbin Murdoch, je vous dirais d'aller voir le site de l'émission www.unechance.com pour en savoir plus sur eux. Sinon, il y a aussi myspace.com/Corbin Murdoch. C'est un dire qui vient de l'est de Vancouver. Voilà pour eux. On reste du côté canadien de notre poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble sans savoir ce qui s'en vient. C'est le principe de l'émission. C'est pas malade, mais quand même. On s'en va entendre Everything is Real. Voici Petrified World. C'est fou dans vos oreilles. Like like I'm staring at a movie screen. A thousand sounds were passing the daylight, telling me where to go. A thousand miles to get where I'm going. Another night, another rock and roll show. It's good, I don't remember when. Ooh, baby, it feels so good to find myself again. It's been a while since I've been out east. I heard the highway call my name. The West Coast is good to me, but now it's gas, food, lodging, and a cigarette stop. I love the north, but the wind, it does your head in. It's time to head back south. 3 months' time passed like clockwork. I watch the words as they fall from your mouth. Ooh, baby, since I felt this good, I don't remember when. Ooh, baby, it feels so good to find myself again. Ooh, baby, it's a petrified world, I ain't scared. The sun is gonna rise again. Ain't gonna take the fall. Sun's gonna rise again. Radio play over and over, the songs will sound the same. The desert blacktop, sun on the hardtop. How much longer can I play this game? Loud music and the steel guitar, it's all I wanna hear. I'm just waiting for the wheels to fall off. Hope my band can make it back next year. Poste d'écoute. If you're scissors to the ground. I wonder, could he be so real? This mountain, so big and tall, it kills me to watch it fall. I'm hoping it will last the night. I don't wanna sleep alone again tonight. I just want you here right by me, by my side. Depuis 10 ans, c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Hello. Leroy Stagger and the Sinking Hearts avec l'album Everything is Real. On a entendu trois pièces, Hell of a Life, Sleep Alone, et on a débuté avec Petrified World. C'est les trois premières. Ce sont les pièces qui ouvrent l'album Everything is Real. Allez voir lunechance.com pour le lien. C'est là que tout est, la vérité et le reste. Boohoo est le nom de la prochaine formation qu'on s'en va entendre. Leur album est Don't Die et on va s'écouter comme ça la pièce de Future pour voir ou entendre ou toucher si vous avez un radio qui est touchable. Aux oreilles au 89.fm, c'est fou ça. poste d'écoute. Times in a day, there is so much, and so many to know. Somewhere around 6 billion or so, everyone could be more than a friend. Once you get started, it just never ends. Once you get started, it just never ends. Ah, super bon ça, Boohoo avec l'album Don't Die. Ah, excellent. La pièce s'appelle In Your Head. Avant ça, il y a eu Married to the World et The Future a débuté ce bloc de la formation Boohoo que j'ai vraiment aimé. Allez voir sur le www.unechance.com pour retrouver le lien, pour en savoir plus sur Boohoo. Et ça, je vais sûrement réécouter ça, j'adore ça. Dans la troisième et dernière heure, on va entendre Melissa Bathory avec son album Hands. Ça, c'est un petit peu plus tard. On va aussi entendre Selected Poetry par David Young. Intriguant, une espèce de livre qui vient avec ça, là. Malade. C'est la troisième et dernière heure du poste d'écoute. Restez avec nous. C'est fou. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure du poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis à l'intérieur de ce poste d'écoute où j'écoute des CD comme ça, là, sur la pile de nouveautés qu'on a reçues assez froid dans la semaine. Le prochain sur ma liste est celui de Melissa Bathory. Il s'appelle Hands Stereo. Et on commence avec The Last Time tout de suite au 89 FM. C'est fou! And you're your will change as we get older. Be gentle as you hold her. Make her sing as you strum, strum, strum. Whoa, whoa. You see my flaws, you say they're beautiful. I wrote this song for you to let you know. You make me blush like a rose wine. So I've been sharing my time, 'cause I wanna be closer to you. So please make room and lay your head down on my shoulder. Place your hands on my guitar. Oreilles 89.1. But you're here instead of anyone. Melissa Bathory avec son album Hands et la pièce Getting to Know You, précédée de Hands et de The Last Time. Ce sont les trois premières pièces de l'album de Melissa Bathory. J'aime ça, je trouve ça cool, je trouve ça bien ce qu'elle fait. C'est mignon, c'est tout joli. Ça sort à l'automne, à l'été. D'ici la fin de l'été 2009, ça devrait être sorti. C'est une artiste torontoise et d'ailleurs, elle est en tournée en Ontario en ce moment. Allez voir melissabathory.com ou myspace.com, /melissabathory. On reste du côté féminin, en tout cas, si je regarde le nom, c'est ce que ça me dit, c'est le Kate Rogers Band, avec l'album Beau Regard. Mm-hmm. Si on ouvre l'album, c'est la fille, Kate, avec un paquet de gars, il y en a 5 autour d'elle, avec différents instruments, donc ça a l'air fascinant. Voici la pièce Go. Tout de suite. Go. Dans le poste d'écoute de C'est fou au 89 FM. Lessons as they come, and though I'm bound to lose some, it's never quite enough. And I could keep them on a shelf all to myself, but I won't. I tend to share too much. So here I go, oh, oh, unlearning all I thought I'd know for certain. Every heart in every person meaning, don't you? all your trouble, but you think otherwise while he's been spreading lies like the gospel. And why the surprise when you watch in the world from Le Kate Rogers Band et la pièce Up Country, précédée de 54 Rounds et de Go. J'ai bien aimé Kate Rogers Band, sauf cette pièce-là. Il me semble que la dernière est un petit peu trop country pour moi, mais bon, le reste, j'ai bien aimé. L'album s'appelle Beau Regard, et là, j'étais sur MySpace pour faire un beau regard sur le MySpace. J'ai vu que c'était une formation de Toronto en Ontario, et puis qui sont au katerogers.net ou encore myspace.com/Kate Rogers Band. Voilà, c'est les informations. L'album, encore une fois, est Beau Regard. On reste du côté... Non. Je m'excuse, on s'en va du côté alternatif anglophone qui n'est pas nécessairement canadien, ça peut venir pas mal de n'importe où. Ce CD-là vient de David Young. Voici l'album Generic Love Songs et la pièce commence à l'instant. Hein? C'est ça. Ah, c'est fou, 89 ans! Mm-hmm. stand. Too close to the edge, I jumped in instead. And I swam underwater back to the beach. I walked up behind and saw what you see, a drowning soul just out of reach. I sunk too, but it wasn't me. I'm here right now, the one who drowned, and I've been here all along. You swung with me at the CNA. Cost the man a $1 million, baby. Wish I had 25 on me. And we walked together on the beach and heard the oceans roar. At the break of day you sailed away. You left me standing on the shore. You left me standing on the shore. You know you left me standing on the shore. You know I'm here right now, the one who drowned, and I've been here all along. If the winds will blow, see you they will know, to steer you clear and bring you here. As the years roll by, it seems that I didn't drown, I didn't die. I can swim and I'm alive. That's right, man, I survived. I'm here right now, the one who drowned, and I've been here all along. I'm here right now, the one who drowned, and I've been here all along. Poste d'écoute. Thank you. bed where I lay. I knew that I had somehow let a robin fly away. Maybe she'll come back another day. Three days on the tram to get to Santa Fe. Hang out at the hotel, then it's time to play. The people they come, the people they go. Some think that they know you, and the others just know. They know that you're weary, half crazy to boot. You're in your dungarees and they're in a suit. You gotta live, you live to play. That's why the trail brought you to Santa Fe. A song for love, the one you laughed. Up in Cisco way back when. You run around from town to town. Another month you'll see her then. You know that you're weary, half crazy to boot. You're in your dungarees and they're in a suit. You gotta live, you live to play. That's why the trail brought you to Santa Fe. The songs you wrote just for her. On the road to a mind unsure. When you get home, she'll be there. David Young, Selected Poetry by David Young. Son album s'appelle Generic Love Songs. Très bel emballage d'ailleurs. Il y a un gros livre avec les paroles qui vient avec. Un livre beaucoup plus gros qu'un CD normal. Et puis à l'intérieur, il y a la pochette en carton avec les noms des pièces qu'on a entendues, comme les trois premières là. Drowned, Lonesome Sparrow Blues et Santa Fe dans le poste d'écoute de C'est Fou. Et David Young and the Restless, c'est le nom de sa formation au complet. Il vient de Jacksonville en Floride. Allez voir davidyoungandtherestless.com ou encore myspace.com/davidyoungandtherestless. On va retourner du côté canadien pour entendre la formation Dark Blue World. Leur album s'appelle The Perilous Beauty of Madness et on écoute ça pour la première fois à C'est Fou. Commençons par Demi-Monde. C'est la pièce qui ouvre l'album. Daily. nothing to face. Incinerating sirens of snow white sail, bad luck and trouble under the skin. Of another crowded room. I didn't really mind, it was worth it to find something to believe. Have nothing to hide. I looked for you to look for me first. As the waves kept coming wild-hearted and weird, waves of discomfort sailing the deep, a man with a mission and me a thief. Thank you. spit in your eyes and split your lip. You sliced up my stories with your razor sharp wit. Free as the wind, but caught up inside. And perfectly tragic, shattering. To ravenous space. It's fucking brilliant. Everything's banned. The cool compassion of shared despair. Fucking brilliant. Everything's banned. The cool compassion of shared despair. La formation Dark Blue World et leur album The Peerless Beauty of Madness. On a entendu trois pièces. On a commencé par Demi-Monde, ensuite il y avait I Looked For You, et puis on vient d'entendre Tracking the Detectives. J'étais en train de chercher de l'information sur Dark Blue World. Le lien va être sur le www.unechance.com. C'est myspace.com/darkblueworldca pour Canada, parce que j'imagine qu'il y a d'autres groupes qui s'appellent comme ça ailleurs. C'est de l'alternative indie, selon eux-mêmes. Et puis, c'est ça, c'est beau, c'est joli, c'est le fun. C'est un groupe de Vancouver. On va rester justement au Canada pour aller entendre la formation Copilot. Leur album s'appelle Escape Through the Trees. Hein? C'est le fun à dire, ça. Escape Through the, the Trees. Voici Long Hauling et je me la ferme. Ouais. Faut savoir quand arrêter de parler. Vous êtes dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.fm. décroche le poste d'écoute. La formation Copilot, c'est leur pièce Escape Through the Trees. Hein? Toujours aussi dur à dire, ça, même après 3-4 fois. C'est la pièce All That I Am, précédée de Blown Around et le Long Hauling. C'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Je vais vous rappeler d'aller voir le unechance.com pour tous les liens d'émission, dont celui de Copilot, qui est myspace.com/copilotmusic. C'est quand même que je le dise. Bref, unechance.com, il y a la balado-diffusion, il y a plein de liens, il y a plein de choses intéressantes et des petits cœurs à côté de ce que j'ai bien aimé aujourd'hui. J'ai aimé entre autres le nombre. J'ai aimé tantôt... Qu'est-ce que j'ai aimé? Je le cherche. Bouhou, j'ai vraiment aimé ça. Mais mon album préféré de la semaine, ce que j'appelle mon poste d'or, c'est celui de The Lovely Feathers, un de mes groupes préférés. L'album s'appelle Fantasy of the Lot. Il est tout récent et on va se quitter avec la pièce Gifted Donald. D'ici à la semaine prochaine, vendredi matin à 10h et lundi à 15h, ben, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de semaine ou semaine. Et écoutez donc CNX, émission que j'anime le jeudi matin, et les palmarès c'est fou le vendredi soir. Et puis amusez-vous cette semaine-là, prenez soin de vous, bye bye! And battered in. Forlorn, is he gifted for a fee? Gifted Donald knows he sees the suits, and he knows the hurts within. Well, no one knows now, never knew. A thing or two about this scene, and he says this is not what the Sibyl wants. Well, two, are we training for our rights? Gifted Donald knows this is not his fight. He says my home is still bruised and battered in. Well, no one knows now, never knew why. You gotta feel ashamed. No one knows now, never knew why.